La mort de Nemrod par Jean Bouchaud. Lorsqu'on venait de la mer, après la ligne bleue des monts de Babylonie qui borde Ur, la perle de Chaldée, à quelques farsans à peine de la capitale, on voyait sur les flancs d'une colline où montait un bois d'oranger, un palais, bâti de marbre blanc, d'où la vue s'étendait sur toute la plaine environnante, jusqu'à l'horizon, plein du miroitement des lacs. Il comprenait quatre citadelles crénelées, dressées vers les quatre directions et reliées entre elles par un mur s'inclinant vers la montée de la colline. Ce mur enveloppait des cours intérieures, bordées de hautes colonnettes et dans lesquelles bruissaient seuls les éclaboussements des jets d'eau. Au centre du palais, dans un enfoncement, entre la terrasse occidentale et la terrasse orientale, une embrasure de fenêtres s'ouvrait sur les jardins, très basses, qu'ombrageait un seul pied de rose couvrant toute la longueur du mur. Elle ne s'éclairait jamais, ni le matin, au soleil levant, ni le soir, au reflet du couchant, et si vers midi, quand la lumière brûle en crépitant sur les sables, une vague lueur de jour parvenait à se glisser en tremblant vers la fenêtre, d'épais rideaux de perles l'étouffaient aussitôt avant qu'elle perçât l'ombre. Cette ombre était la chambre de Nemrod. Ce jour, le septième du mois de Thémouz, dans un coin de la pièce, surveillant la couche royale, des astrologues, coiffés de la tiare, ayant chacun le corps ceint d'une écharpe de couleurs différentes, cherchaient, assis devant leurs tables astronomiques, à découvrir le secret du ciel à l'aide des astrolabes. Il y avait aussi, debout, à l'écart, attendant une parole du maître, le chef des Mobèdes et quelques capitaines de la garde iranienne. L'obscurité, flottant entre les parois de la chambre, la remplissait de crépuscule, noyant tous les objets dans une pénombre indécise. Et si le souvenir du jour déjà levé sur la ville n'était resté dans les esprits, il aurait été impossible de dire à quel moment l'on pouvait être de la journée, si l'aurore avait déjà paru, ou si le soleil allait bientôt déposer son bouclier d'or derrière l'horizon. Au plafond, sillonné de poutres bleues, croisées en losanges, un encensoir était suspendu où brûlait de l'ambre et du santal. Nemrod, étendu sur des nattes de soie de toutes couleurs, regardait vers le sol et parfois, dans un geste de méprisante paresse, levait un œil ennuyé vers les astrologues qui cherchaient, absorbés dans leurs calculs, à deviner la cause de ses réflexions. Enfin, le roi se leva à demi sur sa couche et prononça ces paroles. « Ne cherchez plus à saisir la cause de la tristesse que je porte dans mon âme. Je vous ai fait venir pour que vous connaissiez mes pensées et m'expliquiez mes desseins quand je vous aurai dit le songe que j'ai eu cette nuit. » Dieu est encore venu tourmenter mon sommeil, et depuis quatre nuits qu'il me ravit au repos, je suis là de son insistance. Chaque heure de la journée vient me rappeler sa domination sur ce monde que j'ai jadis ployé sous mon bras. Aussi ai-je résolu de réduire sa puissance et d'affirmer ma souveraineté par de nouveaux éclats. » Le roi sembla de nouveau absorbé quelques instants, puis il reprit. « Voici la vision qu'il m'a envoyée cette nuit. Je venais de m'assoupir sur ma couche, lorsqu'au milieu de l'ombre qui m'enveloppait, il m'a semblé que mon cœur s'ouvrait plein de lumière. J'étais seul sur une plage immense où je marchais, sans savoir vers quel but, entraîné par le bruit des vagues à mon côté. La nuit venait de dérouler dans le ciel sa chevelure entremêlée de saphir et la faisait flotter sur la terre comme pour la couvrir tout entière. L'obscurité répandue sur la surface du monde rendait la terre invisible lorsqu'une lampe brillante, se levant du sein des eaux, la fit resplendir comme un rubis. La mer semblait de brocart, et de ses abîmes un trône de turquoise apparut, dont la hauteur était telle qu'il semblait se heurter contre le ciel. Un roi y était assis, une couronne étincelante sur la tête, et en voyant sa face, je croyais être en présence du firmament. Son armée était rangée sur 14 000 de longueur. Des centaines de milliers de casques et de cuirasses, reflétant le disque plein de la lune, couvraient la terre d'un mirage. Les cavaliers, sur la surface de la mer, élevaient leurs lances jusqu'aux nuages. Les pointes de leurs fers, brillant comme des étoiles, peuplaient le firmament de constellations. Au moment où je me dirigeais vers la mer, plein d'ardeur pour le combat, je vis la vision reculer à l'infini devant moi, sur la mer, si loin que mon regard épuisé ne pouvait plus la suivre. Ce matin, quand je m'éveillais, je jurai de me rendre jusqu'au bord de la mer, avec toutes mes armées, afin de voir si Dieu voudrait répondre à ma provocation. Pourtant, j'écouterai encore ce que pensent vos cœurs. Parlez. Après quelques instants de réflexion, le chef des astrologues se leva, hésitant encore, puis commença à parler. « Roi, maintenant que la terre entière vous est soumise, l'ardeur de votre âme guerrière doit être satisfaite. Ne sauriez-vous résister, après tant d'épreuves, à la plus terrible tentation, surprendre les secrets du ciel ? Vous tenez le monde dans votre main. Que vous importe l'inaccessible où l'intelligence se perd ? Quiconque n'obéit plus à la raison se déchire lui-même par ses actions. Et vous ne devez point vous irriter de ce que votre puissance ne peut atteindre celui qui est au-delà de tout nom et de tout lieu, qui dépasse la portée de l'esprit, le vrai maître de la fortune, qui a envoyé les prophètes, allumé la lune, l'étoile du matin et le soleil. Devant lui, toutes vos menaces auront la consistance des fumées que chasse le vent, et je vous dis, quand vous serez parvenu à jeter un regard sur les branches de l'arbre de la parole, vous reconnaîtrez que le savoir ne pénètre pas jusqu'à la racine. Renoncez à votre dessein. » Quand l'astrologue eut cessé de parler, le chef des Mobèdes prit la parole à son tour, lentement, et sa voix sortait difficilement de son corps cassé par l'âge. Il avait presque le double d'années de Nemrod. « Mon fils, dit-il, ton règne a été long et glorieux, même comparé à tes ancêtres. Mais peut-être que la destinée fatale te guette au tournant de cette année. Crains d'emporter dans la mort les regrets d'une folle action et de laisser à la terre le souvenir d'une vie flétrie aux portes du tombeau. L'orgueil vient troubler ton esprit et tu aspires follement le parfum d'une fleur vénéneuse. Heureuse la destinée de l'homme qui sort en paix de ce monde. Que la tombe reste comme un jardin de fleurs éclatantes, que ton linceul soit une prairie verdoyante et joyeuse. » Comme le roi restait toujours immobile sans répondre, un des Iraniens prit la parole après avoir consulté du regard les autres capitaines. « Seigneur, dit-il, vous avez éprouvé notre dévouement. Agissez selon votre cœur. Pourtant, craignez de nous lancer dans une entreprise au-dessus de nos forces. Nous avons conquis le monde. Si la terre est trop étroite pour vos deux puissances, détournez-vous dans le mépris. Pourquoi l'aigle essaierait-il de voler au-dessus du soleil ?» Nemrod, l'œil plus sombre, restait silencieux. À ce moment, un souffle plus hardi de la brise sépara quelques rangs de perles au rideau de la fenêtre, et dans la chambre, un rayon de soleil glissa jusqu'au lit du roi. Il se leva, écartant lui-même le lourd rideau et fixa le soleil au zénith. Les ministres entendirent sa voix grave dire « Je combattrai Dieu ». Puis il retourna s'étendre sur sa couche, la face vers le mur. Tous alors sortirent annoncer au peuple la grande nouvelle. Le bruit se répandit rapidement dans tous les pays voisins que Nemrod préparait une nouvelle expédition, dont on ne savait pas encore le but, mais qui nécessitait des forces colossales. Et de tous les points de l'Orient, des armées accouraient en foule vers Ur. Pendant 4 mois, la ville s'emplit jusqu'à étouffer d'un flot croissant de guerriers. Il semblait, tant leur entassement était formidable, qu'ils dussent, un matin, déborder par-dessus les murailles pour envahir la campagne. Les rues en pente, étroites, faisant des lacets jusque dans la plaine basse, étaient remplies d'une ondulation sonore. Les jardins fourmillaient de casques étincelants au soleil. Les bazars restaient ouverts nuit et jour, et les offres, les échanges, les marchandages tenaient toute la ville affairée. Des groupes d'hommes d'un même pays rassemblés là, se nommaient, se reconnaissaient et discutaient. On parlait sans s'arrêter des heures entières de l'expédition vers des pays inconnus, très loin, où personne n'avait jamais été et qui regorgeaient de richesses. On pesait les chances, réfléchissait aux risques. Le voyage serait dur. Peu arriveraient jusqu'au bout. Encore moins reviendraient chez eux jouir des richesses conquises. Et l'on se montrait, en dehors des murs, sur la colline, le palais de Nemrod. On voyait, dans un même cercle, arrêtés autour des riches étoffes de Perse, des armes et des bijoux, des tibarènes, avec leurs cheveux partagés en nattes sur les épaules, des nîmes, nues et tatouées, des sagastes, des jettes qui teignaient de vin la crinière de leurs chevaux, des abrodes, avec des casques hauts d'où tombaient, comme des chenilles rouges, jusque dans le dos, des tresses de plumes d'oiseaux extraordinaires, des gandards, aux paupières teintes de safran, des lydiens qui changeaient les perles de leur collier pour 2 mandes de rose. enfin des Mèdes, avec leurs mitres, et des Perses, avec leurs tiares. Tous ces hommes, répandus au hasard dans les rues, regardaient, touchaient les objets des étalages, s'émerveillaient et riaient. Des nègres nus côtoyaient des guerriers à peau blanche comme le lait et cuirassés d'or. On voyait quelquefois, le soir, un homme regagner son logement, coiffé d'une mitre médique, chaussé de brodequins africains, le torse serré dans une cotte de fer bactrienne, un manteau de pourpre sur les épaules. La plupart s'étaient débarrassés à vil prix de leurs pierreries et buvaient toute la journée du vin noir de Perse en chantant à tue-tête. Toute la ville semblait frappée de démence et les prêtres chaldéens s'étaient enfermés dans les temples. Au bout de quelques jours, les hommes de chaque contrée étaient revenus se grouper sous leurs propres enseignes. Il y avait un quartier mède, un quartier lipsien, un quartier sarde. Dans quelques semaines, l'effroi de Myre allait commencer. Nemrod donna l'ordre de se préparer à la marche. Un matin, on ouvrit les quatre battants de la porte d'Orient, et les armées commencèrent lentement à s'écouler. L'avant-garde défila pendant 2 semaines sous les murs du palais. Elle allait du temple d'Ormuz, centre de la ville, à l'horizon. L'arrière-garde s'apprêtait à partir 4 mois après que l'avant-garde eut commencé sa marche. En tête venaient les Iraniens, à cheval, chaussés de bottines d'or. Puis les hommes de Gilan, également à cheval, ayant pour toute arme une lance. Puis des mosques, avec des cuirasses de peau de bête, qui ne ressentaient ni le froid du mois de Myre, ni la chaleur du mois de Thémouz. Des Chaldéens, dont les poitrines étaient comme des collines d'argent. Des Libes, avec leurs bonnets d'écorce, et des javelots que suivaient pour le butin 60 chars d'osier traînés par des ânes. Derrière eux venait un corps de cavaliers surprenants, qui trempait de musc et de safran la crinière et les pieds des chevaux. Après eux venaient les sagastes, tenant suspendus à leur cou des boucliers peints, moitié jaunes et rouges, et qui tiraient après eux des catapultes et des balistes. Au centre venaient les éléphants, mugissant comme les flots de la mer et que montaient des Indiens, ayant pour toute arme une arbalète et des flèches de peuplier. Après eux s'avançait un bataillon de géants, dont les bras ne s'embarrassaient d'aucun instrument de guerre. Ils portaient seulement des étendards de 15 coudées et du poids de plusieurs centaines de mans qui coloraient le ciel de reflets violets. L'arrière-garde était formée d'une armée d'Hyrcaniens qui marchaient en silence, en faisant résonner leurs dagues contre leurs boucliers, et d'une troupe de guerriers plus grands que les autres, à la taille élancée, qui faisaient sonner sur leur dos leurs carquois enrichis de pierreries et s'habillaient de brocarts. L'armée marchait en rang si serré que le vent ne pouvait passer au travers. Leurs pas soulevaient des montagnes de poussière comme des nuages où brillait l'éclair des casques. Ils traversèrent d'abord une contrée merveilleuse, toute humide et ombragée. Plus ils allaient, plus la terre était pleine de parfums, de couleurs et de beauté. On fut obligé de les faire avancer à coups de fouet. Des centaines d'entre eux s'étaient couchés sur l'herbe et refusaient d'avancer, pensant qu'ils ne trouveraient jamais autre part un pays si merveilleux. Beaucoup avaient cru que l'on irait jusqu'à l'horizon, où le ciel rejoint la terre et que ce point atteint, on escaladerait les cieux. Comme on n'avait pu encore saisir la limite du monde, ils pensèrent que les dieux leur défendaient l'entrée du ciel et qu'il valait mieux abandonner l'expédition. Pourtant, le gros de l'armée continuait d'avancer, mais une tristesse infinie s'emparait de tous les cœurs, et plus ils marchaient, et plus ils se sentaient pris de lassitude et de découragement. Le sol se faisait dur comme la pierre sous leurs pas. Des forêts sinistres se levaient à l'horizon, les enveloppant de terreur quand ils y entraient. Des rochers escarpaient toutes les routes. Enfin, très loin, à 2 semaines de marche environ, presque à perte de vue, au bout de la plaine, une ligne bleue se dessina, la mer. Enfin, on allait atteindre la limite de la terre, sans doute le but du voyage. Tous les cœurs bondirent d'aise. Un élan nouveau emporta tous les esprits. Un espoir sans borne gonfla tous les cœurs. Ils chantaient tue-tête des heures entières, en s'accompagnant au son de leurs armes. Quand ils s'étaient tus, entre 2 chants, la campagne retombait dans un silence effrayant. La nuit, toutes les étoiles étaient sur leurs casques, leurs cuirasses et leurs boucliers. La terre se couvrait d'un mirage étincelant et ils allaient, effrayants de force et de hardiesse. Le souffle de leurs cris, jaillissant de leur poitrine, chassait les nuages. Le son de leurs trompettes d'argent fendait les rochers. Ils entrèrent dans un cirque pouvant contenir 40 armées et ils le remplissaient. La limite du monde semblait atteinte. L'océan leur barrait la route, ils attendirent. lorsque tous ces millions d'hommes commencèrent à s'écouler lentement hors de sa capitale, Nemrod n'était point parti avec eux. Il avait attendu pour se mettre lui-même en route que l'armée eût complètement terminé son innombrable défilé. Mais quand on lui eut annoncé le départ de la dernière armée, il fit venir ses cavaliers et son char et revêtit son armure. Depuis le jour où il avait décidé l'expédition, personne n'avait pu pénétrer jusqu'à lui, tant il craignait qu'on le dissuadât de son projet. Quand il sortit de son palais, suivant ses ordres, aucun ministre, aucun conseiller, aucun serviteur même ne se trouva sur son passage. Mais au moment où il allait franchir la dernière cour, il aperçut malgré lui, dans l'ombre des colonnes, la belle au visage de Péri, que soutenaient deux esclaves roumis. En voyant Nemrod se détourner d'elle, ses joues devinrent pâles comme la fleur du jasmin, et cette fleur se couvrit de larmes comme de gouttes de rosée. Nemrod hâta le pas et, suivi de ses cavaliers, s'enfuit à toute bride. Pendant cette semaine que dura le voyage, il resta debout sur son char, sans parler, baissant la tête. Parfois, prêt à disparaître de l'horizon, un nuage de poussière blanc courait devant eux. C'était l'arrière-garde de l'armée qu'on entrevoyait. Alors, on s'arrêtait un instant pour laisser souffler les chevaux, puis la course reprenait. Lorsqu'il fut en vue de la mer, Nemrod choisit à sa droite la plus haute colline et y lança son char. Elle était si élevée qu'en automne, à la saison des pluies, elle avait une couronne de nuages qu'elle gardait pendant 4 mois. Arrivé au sommet, Nemrod resta un instant immobile, stupéfait de voir, dans les profondeurs de la vallée, le sol qui remuait avec des oscillations de marée. La plaine ondulait à ses pieds comme un fleuve qui venait battre les flancs de la colline. Il reconnut que c'étaient les flots de son armée qui se mouvaient et menaçait de monter jusqu'à lui. Ils étaient plus de 12 millions d'hommes entassés dans cet énorme cirque attendant les ordres du roi. Nemrod, se reposant le jour sous sa tente, venait chaque soir dès le coucher du soleil regarder le lever des astres au firmament et ne regagnait sa couche que quand il les avait vus retomber derrière l'horizon. Pendant 2 semaines, il sonda la profondeur de la nuit sans rien découvrir. Aucune vision n'apparaissait plus sur la mer. Alors, il fit charger les catapultes et les balistes qui se mirent à lancer contre le ciel des quartiers de rochers et des rocs entiers qui allaient s'abîmer au milieu de la mer. Des nuages de flèches volaient parfois au-dessus des collines et venant se planter dans le sol, faisaient des forêts dont les arbres avaient des racines de fer. Bientôt, l'entassement de ces multitudes d'hommes, pressés les uns contre les autres, fit ressembler le cirque à une chaudière dont le flot humain dégageait des vapeurs étouffantes. Le soleil qui les brûlait tout le jour commençait à faire bouillonner leur cerveau. Les guerriers dans leurs cottes de mailles étaient consumés par la chaleur. Des rangs entiers de chevaux, ne pouvant plus porter leurs cavaliers, s'écroulaient dans la poussière et la peau des hommes se fendait comme la terre. Un matin, on vit sur la mer un nuage qui s'avançait. Puis, de l'horizon, s'élevèrent, l'un après l'autre, d'autres nuages qui venaient se confondre avec le premier. Celui-ci grossissait avec une telle rapidité que ce fut bientôt le ciel qui sembla se mouvoir et se replier sur lui-même. Il parut également aux soldats que ce ciel s'abaissait vers eux, touchant presque la surface des flots. Quand le nuage fut près du rivage, ils s'aperçurent, immobiles de terreur, qu'il était formé de moucherons, en quantité plus innombrable que les gouttes d'eau de l'océan, qu'il avançait toujours, s'abaissait et se posait sur eux. Un immense cri allait s'élever de la terre vers le ciel. Il fut étouffé. La masse entière de l'armée se mit à fourmiller. Un frémissement incessant parcourait la surface du sol couvert de moucherons. Des corps d'armée ensevelis, élevant leurs boucliers au-dessus de leur tête, faisaient des collines qui se mouvaient un instant puis s'abîmaient. Quelques milliers de soldats qui avaient pu escalader l'enceinte du cirque, fous de douleur et d'épouvante, se précipitaient les uns contre les autres avec fureur et Nemrod les regardait se déchirer. Les troupes venaient, l'une après l'autre, se jeter dans la mêlée comme des vagues qui s'élèvent au-dessus de la mer. Au flanc d'une colline, des cavaliers bondissaient sur des carrés de fantassins, fuyant devant la marée d'insectes qui montait de la vallée et refoulant les premières vagues avec des ruisseaux de sang. L'éclair des sabres luisait entre les nuages de poussière et le bruit de l'acier pénétrait les cerveaux. Enfin, cette colline, à son tour, disparut. Il ne restait plus un seul homme vivant de toute cette colossale armée. Seul, échappé par miracle, au triple galop de leurs chevaux, des cavaliers blancs fuyaient comme un troupeau sur qui vient de tomber la neige. Peu à peu, la nuit était venue. Les ténèbres saisissaient le monde. Nemrod, ne pouvant même plus distinguer le reflet des armures au fond du bal, entendait le sol crépiter sous ses pieds. Il lui sembla que la terre se mettait à tourner autour de lui, que le sol s'enfonçait et que la mer avait reculé, immobile et sombre sous un vol gigantesque qui la parcourait. Quand l'aube parut, les moucherons avaient disparu. La terre, rouge de sang et d'aurore, fleurissait comme une rose. Nemrod regardait livide lorsqu'un bourdonnement passa près de son oreille. Sa chevelure secoua l'air autour de ses épaules comme pour chasser une nuée d'insectes. Le bourdonnement revint vers l'autre oreille. Alors le roi, pris d'une folle terreur, cachant sa tête dans ses mains, prit la fuite. Il courut tout le jour, toute la nuit, sans s'arrêter. Le lendemain, il reprit sa course et cela pendant une semaine. Lorsqu'il se reposait un instant, le même bourdonnement recommença à ses oreilles et tournait autour de son front, en serrant sa tête dans un cercle d'acier. Une fois, il leva les yeux un instant pour voir si le soleil éclairait toujours le monde. Il vit autour de lui des rochers couverts de tulipes comme d'éclaboussures de sang. Alors, il referma les yeux, couvrit sa tête de ses mains et courut. Un jour, il crut ne plus rien entendre qui le suivait. Il s'arrêta. La fatigue fermait ses pesantes paupières lorsqu'il sentit une piqûre aiguë qui lui traversait le genou. Il regarda et vit un moucheron. Il mettait deux pattes en avant pour traîner son corps. Les autres lui manquaient. Il s'efforçait aussi de monter en s'aidant d'une aile qui lui restait. Il ne devait plus voir car il sondait longtemps le chemin devant lui, avec son dard, avant de s'y traîner. Nemrod leva brusquement son poing et l'abattit sur son genou. Quand la plaine eut cessé de trembler autour de lui, il entendit le bourdonnement recommencer autour de son oreille. Puis le moucheron se posa. Nemrod le sentit qui s'avançait dans l'intérieur de l'oreille. Il approcha doucement sa main et l'enferma. L'insecte entra dans la tête. Tout à coup, une douleur effroyable fit tomber Nemrod à genoux sur le sol. Le moucheron commençait à lui dévorer le cerveau. Alors, le roi recommença sa course éternelle, droit devant lui, au hasard, sans s'arrêter, frappant sa tête à coups de poing et poussant des cris tels que des bêtes sauvages rentraient se tapir au fond de leurs antres. Sa bouche restait ouverte, dans un cri de grandissante terreur. Ses yeux se dilataient d'affolement. De ses oreilles sur ses joues, de minces filets de sang coulaient. Un matin, il reconnut autour de lui une allée de saules rouges qui faisait le tour d'une partie de sa ville. Il se mit à courir plus vite. Quand il entra dans Ur, son supplice était devenu tellement insupportable qu'il s'arrêtait pour frapper sa tête aux angles des maisons. Dans les rues, les gens fuyaient, éperdus, devant lui. Des hommes qui causaient au carrefour, en le voyant paraître, se couchaient à terre pour ne pas être vus, ou, s'ils le pouvaient, regagnaient leur demeure, talonnés par une peur invincible. Une vieille femme qui n'avait pas eu le temps d'ouvrir sa porte tomba morte sur le seuil. Un spectre de terreur et de folie volait devant ses pas. Dans son palais, Nemrod arriva comme un oiseau qu'on vient de prendre et qui essaie de se briser la tête contre les parois de sa cage. Comme il continuait à se frapper le crâne à coups de poing en hurlant, deux esclaves nubiens qui le regardaient, tapis dans un coin, eurent l'idée de prendre chacun leur maillet de bois et de l'en frapper de toute leur force. Alors, le visage du roi parut se détendre un moment. Ses yeux, où venait de luire un vague reflet de vie, se tournèrent vers les esclaves, comme pour les remercier, et son regard se reposa sur eux. Tout le jour et toute la nuit, les esclaves ne le quittèrent pas, faisant aller et venir sans cesse leur maillet. Lorsqu'ils n'eurent plus de force pour continuer leur besogne, d'autres esclaves vinrent les remplacer. Bientôt les maillets de bois, trop légers, furent changés contre des maillets de fer, puis de bronze. Et Nemrod, ayant enfin trouvé un soulagement à sa torture, recommença peu à peu à vivre. Il régna encore 10 ans, toujours suivi d'esclaves qui faisaient rebondir leurs maillets sur sa tête. Lorsqu'il fut sur le point d'entrer dans sa 900e année, Dieu l'appela à lui pour le juger selon ses œuvres. Ainsi s'achève la mort de Nemrod par Jean Bouchard.